Chapitre 34e. Après le départ de Madame Denis, M. de Mériol était resté debout au milieu de sa chambre, abasourdi, stupéfié. Et quoi, c'était ainsi qu'elle le quittait? Elle n'avait voulu rien entendre? Ses yeux tombèrent sur le bouquet de roses qui s'épanouissait joyeusement au milieu de la table. Il l'arracha de dedans le vase et le jeta avec colère sur le tapis. Jamais il n'avait éprouvé pareille honte, pareille humiliation. Comme elle lui avait parlé, quel accent de mépris, quel regard outrageant. Après le premier moment donné à sa propre douleur, il pensa à celle de la femme qu'il avait perdue. La malheureuse, comme elle devait souffrir, elle si fière et si orgueilleuse, qu'allait-elle faire? Elle avait parlé de mourir. Était-ce possible? Bien souvent, lui faisant des recommandations d'être prudent et discret, elle lui avait dit que si jamais on savait qu'elle avait un amant, elle se tuerait. Et ce qu'elle avait dit, elle était femme à le faire. Mais alors, ce serait épouvantable. Jamais il ne pourrait vivre avec cette responsabilité sur sa conscience, avec ce remords. Il fallait l'en empêcher, mais comment? Le temps s'écoula sans qu'une idée possible se présentât à son esprit bouleversé. Il suait d'impatience et d'impuissance. Enfin, il se décida à aller à l'avenue de Messine. C'était imprudent, dangereux peut-être, mais il n'avait pas à choisir. Il la verrait, il lui parlerait. Il s'habilla, et tenant entre ses mains son beau veston brodé d'or, il le déchira dans un mouvement de rage. Pour se recueillir et se préparer, il décida d'aller à pied. Peut-être en marchant trouverait-il une bonne idée, l'idée, le motif décisif qu'il fallait prononcer. En entrant dans l'avenue de Messine, fort peu habitée à cette époque, il fut surpris de la voir pleine de monde. Il y avait des groupes sur le trottoir, et l'on causait avec animation, en poussant des exclamations et en faisant de grands bras. Un sinistre pressentiment lui serra le cœur, mais n'osant interroger directement ces gens, il ralentit le pas pour les écouter. « Deux coups de pistolet, je les ai entendus, un d'abord, puis après quelques secondes, l'autre. »« Elle est morte, parbleu. » »« Non, elle n'est pas morte, on dit qu'elle est à peine blessée. » C'est en prenant le revolver par le canon que les coups sont partis. « Allons donc, elle s'est suicidée. »« Tu es morte ?» Il allait interroger ses curieux quand un domestique de l'hôtel passa en courant. Il l'arrêta. « Ah, monsieur, » dit le domestique le reconnaissant, « quel malheur. Madame a reçu deux coups de revolver dans la poitrine, elle est mourante. » Puis le domestique continua sa course, le laissant au milieu de l'avenue. Il resta là pendant quelques minutes, n'entendant rien de ce qui se disait autour de lui, se répétant machinalement le même mot, « mourante, mourante. » C'était par lui qu'elle était tuée, exactement comme s'il eût tiré la balle qui venait de la frapper. Il n'eut pas le courage d'aller jusqu'à l'hôtel, et il n'osa même point passer devant. Revenant en arrière, il descendit la rue Miroménil, marchant à petits pas et s'arrêtant de place en place. Arrivé à la rue Saint-Honoré, son hésitation cessa. Il avait pris sa résolution. À grands pas, il monta les Champs-Élysées jusqu'à la Sainte-Barbe. On lui répondit que Saint-Ostrobert était sorti. « Je vais l'attendre. Monsieur le vicomte ne rentrera pas dîner. »« Où puis-je le trouver? C'est pour une affaire pressante. »« Quand monsieur le vicomte ne dîne pas chez des amis, il dîne à son club ou bien chez Durand, ou chez voisin, ou au café anglais. »« Et ce soir? Oh, ce soir, monsieur le vicomte ira sans doute au Théâtre français, pour les débuts de mademoiselle Balbine. » Monsieur de Mériol redescendit les Champs-Élysées. Aux environs du cirque, il lut l'affiche des Français. On donnait le vieux répertoire. Balbine jouait Lisette du Legs au milieu de la soirée. À 9 heures, il entra au théâtre et chercha Saint-Ostrobert. À l'orchestre, dans les loges, il ne l'aperçut point. On finissait les plaideurs, et autour de lui, il y avait des gens qui riaient aux éclats. Pendant l'entracte, il se promena dans les corridors, au foyer. Saint-Ostrobert ne se montra nulle part. Ne viendrait-il pas? Au moment où le rideau se levait sur le Legs, une loge vide jusque-là s'ouvrit. Et Saint-Ostrobert parut avec deux amis. Monsieur de Mériol respira. Il quitta son fauteuil et alla se promener dans le corridor des premières loges. La pièce lui parut d'une longueur mortelle. Les ouvreuses le regardaient passer d'un air étonné. Enfin, le rideau baissa, les portes des loges s'ouvrirent et Saint-Ostrobert sortit pour aller au foyer. Monsieur de Mériol le suivit. Saint-Ostrobert l'aperçut et le salua du bout de la main. Alors il l'aborda. « J'ai à vous parler. » dit-il. Les deux amis qui accompagnaient Saint-Ostrobert voulurent s'éloigner. Ne vous éloignez pas, messieurs, je vous en prie, je n'ai qu'un mot à dire à monsieur le vicomte, et je suis bien aise que vous l'entendiez. » Alors, élevant la voix, « Monsieur de Saint-Austrebert m'a volé 70 000 francs au jeu, et je viens les lui redemander. » Saint-Austrebert pâlit affreusement, mais il ne se laissa pas emporter. « Où êtes-vous descendu ? » dit-il. « Au grand hôtel. »« C'est bien, vous recevrez mes témoins demain matin. » En sortant du théâtre, M. de Mériol se fit conduire au numéro 8 de la rue de Luxembourg. C'était là que demeurait une espèce d'hidalgo gascon, le baron de Castelmagnac, qui s'était fait un nom dans le monde parisien en se trouvant mêlé à plusieurs affaires d'honneur. M. de Mériol l'avait rencontré à Biarritz, et disciple né de toutes les célébrités à la mode, il s'était lié avec lui, mais le baron n'était pas chez lui, et il dut l'attendre jusqu'à minuit. Quand le baron vit M. de Mériol installé à pareille heure dans son salon, il devina tout de suite de quoi il était question. « Un duel, n'est-ce pas, cher ami ?»« Oui, mon cher baron. »« Avec quelqu'un de notre monde, j'espère. »« Avec le vicomte de Saint-Austrebert. »« Très bien. » M. de Mériol raconta ce qui venait de se passer au Théâtre Français. « Cela est très grave, et vous savez que si vous me confiez votre affaire, elle n'est plus la vôtre, elle est la mienne. Ce sera un duel sérieux, très sérieux. Je tuerai M. de Saint-Austrebert ou il me tuera. » « Parfait alors, je suis votre homme. Qui me donnez-vous pour second ? Qui vous voudrez ? De mieux en mieux. Vous êtes un charmant garçon. Je vais arranger un duel digne de vous. » Et le baron de Castelmagnac serra chaudement la main de M. de Mériol. Il s'ennuyait, se reposait depuis longtemps. Il allait avoir une nouvelle affaire à raconter, qui serait son affaire. Les dispositions arrêtées entre les témoins furent qu'on se battrait à Marne, dans le parc d'une maison appartenant à un ami de Saint-Austrebert. On échangerait 5 balles à 20 pas, on tirerait à volonté. « Je crois que vous n'irez pas jusque-là, » dit le baron en rendant compte de ses conventions à M. de Mériol. « Vous savez que Saint-Austrebert est un tireur de premier ordre. Ce sera un beau duel. Avec des témoins comme le marquis de Virieux et le commandant Montfort, tout se passera d'une façon correcte. Je compte sur vous, cher ami. Commandez une bonne voiture, que nous ne fassions pas une piteuse arrivée. Rien n'est triste dans un duel comme une guimbarde qui s'avance qu'à un cas. Il ne faut pas arriver en casse-cou, mais il ne faut pas arriver en invalide. C'est là votre tenue, n'est-ce pas ? Mes compliments, elle est parfaite. » Il allait partir, il revint sur ses pas. « J'oubliais. Nous n'avons pas besoin de nous occuper d'un médecin. Le vicomte emmène le docteur Horton. À tantôt, cher ami. À 3 heures précises, nous serons ici. » Pendant le trajet du grand hôtel à Marne, le baron de Castelmagnac raconta les duels auxquels il avait pris part, tous corrects. Il fut rejoint dans le village par la voiture de Saint-Austrebert et ils firent ensemble rentrer dans le parc où le duel devait avoir lieu. M. de Mériol était extrêmement pâle, mais ferme et résolu. Son attitude donnait un sourire de satisfaction au baron de Castelmagnac. Saint-Austrebert avait, comme toujours, son air de ne s'intéresser à rien. À le voir, on eût pu penser qu'il était un curieux, venu là avec une parfaite indifférence pour ceux qui allaient se tuer. Au signal, le coup de Saint-Austrebert partit. M. de Mériol ouvrit les deux bras, on le vit chanceler, puis presque aussitôt il s'abattit en avant comme une masse inerte. Le docteur Horton accourut et le retourna pour le palper. Il était mort. Il se produisit un moment de trouble qui n'eut rien de correct, mais on se remit bien vite, et tandis que l'on transportait le corps dans la maison du concierge, Saint-Austrebert et ses témoins remontèrent en voiture. Il était 5h30. « Marchez vite !» dit Saint-Austrebert à son cocher. Arrivé à la place de la Concorde, il déposa à terre ses 2 témoins et il continua sa route jusque chez son père. Le général allait se mettre à table. « Tu arrives bien, » dit-il en apercevant son fils. « Nous allons dîner ensemble. Je vous remercie. »« Si, si, tu vas dîner. Un couvert ? J'ai reçu des cosses en coque de bruyère. Je veux que tu en prennes ta part. Je ne suis pas en appétit. Je viens de me battre et j'ai tué mon adversaire. »« C'est ton affaire du Théâtre Français ? J'avais entendu parler de cela, mais je ne croyais pas que ton duel fût pour aujourd'hui. » Ce garçon t'avait reproché de lui avoir volé 70 000 francs. Tu l'as tué. Il n'a eu que ce qu'il méritait. C'était un sou. On tue tous les jours un homme pour moins que cela. Un verre de sauterne, n'est-ce pas ? Saint-Austrebert tendit son verre, mais il le reposa sur la table sans le vider. Comment ? Un duel te met dans cet état ? S'écria le général. Je ne te reconnais pas. C'est que j'ai en même temps d'autres soucis. Ce garçon était l'amant de Madame de Nice. Celle-ci s'est tuée. et avant de mourir, elle a fait rompre mon mariage. Je n'ai plus de moyens d'accent sur la famille et je n'épouse plus Mademoiselle Daunis. Oh oh, voilà une mauvaise nouvelle, mon pauvre garçon. » Et pour faire passer cette mauvaise nouvelle, le général dégusta à petits coups un verre de sauterne. « mauvaise nouvelle, » répéta-t-il plusieurs fois. « Et comment comptes-tu te retourner ?»« En m'adressant à vous, et en vous priant de demander pour moi la fille des Fraïménées. » »« Celle dont tu n'as pas voulu quand je te l'ai proposée il y a quelques mois, précisément. »« Mon cher ami, tu me fais plaisir. Tu es un homme, tu sais manœuvrer dans l'adversité. C'est entendu, je demanderai Mademoiselle Ephraim en mariage pour toi. » Il y a urgence, car si mes créanciers apprennent que mon mariage est rompu, sans apprendre en même temps qu'un nouveau est arrêté, ils vont mettre le feu à la Sainte-Barbe. J'irai dès demain, et d'avance je crois pouvoir t'assurer que tu seras reçu les bras ouverts. C'est bien cela qui m'empêchait de l'accepter quand vous me l'avez proposé. Les bras ouverts, c'est une habitude. Laisse-moi te dire que tu as eu tort d'être si difficile il y a quelques mois. La dot de Mademoiselle Ephraim vaut celle de Mademoiselle Daunis. Et en l'apprenant tout de suite, tu aurais épargné ta peine et ton temps, sans compter les frais d'huissier que tu aurais économisés.